Ta mère me dit que la terre est plate et que l'heure est grave, qu'à tout moment une guerre éclate, que l'amour n'a pas d'égal, que la mort n'est qu'une étape et que nos âmes ont barricade. Me parle de l'œil sur la pyramide des élites qui tyrannisent, que trop peu le réalisent, trompé par la foi car le vice est aux manettes, qu'on peut pas le voir quand on vit dans le paraître. L'Occident va sombrer, faut que je fasse mes valises, que les gens sont pas prêts, risque le mal espagne qui vise la division, elle se forge sa vision, analyse tout à la division, me parle sur Telegram car elle épanne sur les réseaux, attends que vienne le drame pour qu'on capte qu'elle avait raison. Ta mère ne lit pas Closer, mais y économiste. Ta mère est complotiste. Elle me dit qu'il faut qu'on se taille taille, qu'au système on dise bye bye, que cosmique est la bataille, que sans conscience on n'est pas de taille. Elle parle beaucoup, elle fait gaulerie, mais elle dit pas que des conneries. Ouais ta mère, oh la complotiste, à toi de faire le tri. Ta mère me dit qu'on est des pions sur l'échiquier, que pour le peuple de pitié, que les gens changent quand le fric y est, avant se pétrifier, personne à qui se fie. Elle me parle des chemtrails, des momies de Nazca, de bases extraterrestres enfouies en Alaska. Elle kiffe l'ufologie par le MK Ultra, suit sa propre logique car seul Dieu nous jugera. Elle me parle des francs Mac, du billet d'un dollar, qu'en fait notre histoire est digne d'un polar. Elle a bugué devant Da Vinci Code, pas vaccinée, elle a des anticorps, ça folle pas pour une grippe. Elle a senti la carotte, elle connaît les casards et leur technique de salope. Ça fout la merde et ça galope. Ça vend du rêve et ça parlote, s'affirme en public, en a marre de l'hypocrisie. Comme Jean-Michel, elle a un gros zizi. Elle cherche le chef d'orchestre de ses trompettistes. Ta mère est complotiste. Elle dit qu'il faut qu'on se taille taille, qu'au système on dise bye bye, que cosmique est la bataille, que sans conscience on n'est pas de taille. Elle parle beaucoup, elle fait gaulerie, mais elle dit pas que des conneries. Ouais ta mère, oh la complotiste, à toi de faire le tri.